بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 51 dans l'explication du livre منظومة الآداب, le شرح de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de des héritages, l'importance d'apprendre les règles de l'héritage dans l'islam, et ainsi que les règles du regard, c'est-à-dire les règles du regard, c'est-à-dire qu'est-ce qui est permis de voir, hein, c'est-à-dire les règles par rapport à ce qui est permis de regarder et ce qui est interdit de regarder. Et là où on est rendu maintenant à une partie dans le livre, Cheikh Al-Mardawi, il dit « وَإِن طِفْلَةٌ أَضْحَتْ مُمَيِّزَةً فَكَالْمُمَيِّزِ فِيهَا الْحُكْمُ لِلْمُفْتَقِدِ أَوْ لِلْمُتَفَقِّدِ وَمَا كَانَ يَبْدُو غَالِبًا مِنْ عَجَائِزٍ النِّسَاءَ فَمَنْ يَنْظُرُهُ ليس بمعتدي كذا الحكم في الشهو في الشوهة ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا في معبدي. Donc on va traduire ces trois vers. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit: فإذا صار الطفل من المعطلين أو من المطلعين عفوا من المطلعين على عورات النساء فلا تتكشف عنده المرأة. Donc c'est ça. Cheikh, il explique que si la femme elle est en présence d'un enfant, un garçon, et que cet enfant là il fait partie des garçons qui commencent à comprendre les choses des femmes, hein, à ce moment-là, elle ne doit pas se dévoiler devant lui, hein. Elle ne doit pas se découvrir devant cet enfant-là. Parce que, on parle des, par exemple, des enfants qui sont pas encore peut-être nécessairement pubères, mais qui sont à un certain âge, dans lequel ils sont capables de comprendre qu'est-ce que c'est une femme, puis, de comprendre les parties caché de la femme. Donc la femme, elle doit se couvrir devant ce garçon, c'est-à-dire la femme étrangère, hein, et le garçon qui est étranger à elle, qui n'est pas parmi ses maharim. Ensuite, le vers suivant à propos des femmes qui sont ménopausées ou bien qui ont atteint un certain âge. Ici, le cheikh, il explique, il dit: وَكَذَلِكَ النِّسَاءَ اللَّاتِي قَدْ بَلَغْنَ مِنَ الْكِبَرِ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيَّ وَلَيْسَ فِيهِنَّ شَهْوَةٌ لِلْرِجَالِ وَلَا لِلْرِجَالِ بِهِنَّ شَهْوَةٌ فَهَؤُلَاءِ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى وُجُوهِهِنَّ وَأَكُفِّهِنَّ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه فللكبيره التي لا تشتهى ان تكشف وجهها عند الرجال وللرجال او وللرجل ان ينظر اليها لانها ليس فيها شهوه ولا رغبه ابدا. ومع هذا قال وأن يستعففن خير لهن. Donc ici le cheikh, il explique que si c'est des femmes qui sont devenues très âgées, très vieilles, et que elles n'ont plus de désir en les hommes, et les hommes n'ont plus de désir envers elles, alors il n'y a pas de mal de voir leur visage ou leurs mains, puisqu'il n'y a plus de mal à ce moment-là, il n'y a plus d'interdiction. Et il cite comme preuve le verset 60 dans Sourate An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jal, il clarifie justement le jugement à propos des femmes qui sont devenues âgées, hein, qui sont devenues très vieilles. Il dit al-qawa'id min al-nisa. Al-qawa'id min al-nisa, c'est-à-dire les femmes qui sont devenues très âgées. qui ont atteint la ménopause, c'est-à-dire qui sont passées par la ménopause dans le sens qu'elles n'ont plus de règles et qui n'espèrent plus en le mariage. Elles ne pensent plus au mariage parce qu'elles savent qu'elles sont devenues vieilles et n'ont plus de désir. Et les hommes ne veulent plus se marier avec des femmes de cet âge-là parce qu'elles sont trop âgées. Il dit « Nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie. Hein? » Sans cependant, donc leur djilbab. Il dit « Sans cependant, yani, sans cependant, exhiber leurs atours. » Sans cependant, exhiber leurs atours. Et les ulama, ils ont expliqué que ça signifie que la femme qui est très âgée et que les gens ne souhaitent plus les épouser parce qu'elles sont devenues vieilles, il n'y a pas de mal pour elles de découvrir leur visage et il n'y a pas de péché à un homme de la regarder non plus. Hein, parce qu'il n'y a plus de désir pour cette femme-là, de toute façon, elle est devenue une vieille femme, donc les hommes ne sont plus attirés par elle. Donc il n'y a pas de péché dans le sens où quelqu'un va la regarder de toute façon. Et il dit, Allah Azza wa Jalla dit, malgré qu'elles peuvent cesser de se couvrir le visage, par exemple, eh bien, la fin du verset dit, et si elles cherchent la chasteté, c'est-à-dire que malgré qu'elles sont devenues vieilles et qu'elles n'ont plus de désir pour les hommes et que les hommes ne les désirent plus, malgré cela, si elles cherchent la chasteté en continuant à se couvrir leur visage comme auparavant, eh bien, c'est meilleur pour elles. Hein? Et Allah est audient et omniscient. Donc, c'est-à-dire que elles sont encouragées à continuer à se couvrir comme elles le faisaient lorsqu'elles étaient plus jeunes, même si ce n'est plus obligatoire pour elles, mais c'est encouragé et c'est mieux pour elles de continuer à le faire. Donc on voit dans ce verset donc qu'il y a une incitation à se voiler pour les femmes, même si elles sont devenues vieilles. Et ça, si on le prend dans ce sens-là, ça veut dire que si c'est le cas pour une femme qui est devenue vieille, et que c'est mieux pour elle de continuer à se voiler, que dire de la fille qui est dans l'adolescence, et qui est jeune, hein, et qui est dans, par exemple, il y en a 16, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans, 30 ans. Il y en a ces femmes-là, elles, dans ce cas-là, c'est encore plus obligatoire pour elles de se couvrir et de se voiler islamiquement, et de couvrir leur visage et de cacher leurs atours, plus que une femme qui est vieille. D'accord? Donc, dans certains pays, tu vois, les femmes qui sont vieilles, elles se voilent, hein, et elles se couvrent correctement, tandis que les jeunes filles, elles portent des vêtements et qui montrent leur forme, qui montrent leur corps, et qui exhibent leur parure et leur charme. Donc, tout ça, ça donne l'impression que le monde est à l'envers. Hein? Parce que la femme qui crée beaucoup de tentations et qui attire beaucoup les hommes parce qu'elle est jeune, elle se couvre pas. Et celle qui est vieille et que les hommes ne désirent plus, elle se couvre. Hein? Donc c'est le contraire en fait qui devrait être encore plus présent. Malheureusement, les gens aujourd'hui sont là, un peu leur cerveau il est des fois installé un peu à l'envers, comme on dit, nasallallahu al-afiyah. Ensuite, le troisième vers, à propos de ce sujet-là, le cheikh il dit, وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْمَرْأَةِ الشَّوْهَا إِذَا كَانَتْ لَا تُشْتَهَا فَلَا مَانِعْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَهَذَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَوْنِ الْقَوَاعِدْ مِنَ النِّسَاءِ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ وهي أنهن لا يشتهين فكذلك التي لا تشتهى لتشويهها ولو كانت غير عجوز ولكن هذا فيه نظر لأن الله لم يذكر إلا القواعد من النساء أما غير القواعد ولو كنا مشوهات أو مشوهات، فيأتي من يرغبهن من يرغبهن. والشاعر يقول: ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوم لها سوق. سبحان الله. فيزينها الشيطان، وخصوصا إذا كانت شابة ولو كانت شوهاء. Donc ici le cheikh il explique que si la femme elle est laide, hein, si elle est très laide et que les hommes ne la désirent pas, il n'y a pas de mal de la regarder. Et il dit ça c'est par analogie, c'est-à-dire ils ont fait une analogie avec la femme qui est très vieille. Et il dit parce que la raison pour laquelle les femmes qui sont plus âgées peuvent découvrir leur visage, c'est parce que personne ne veut épouser ces femmes-là, hein, parce qu'elles sont vieilles. Et personne les désire, hein. Donc la même chose aussi pour la femme qui est très laide, hein, et qui est repoussante ou bien qui est pas attirante. Il dit même si elle n'est pas vieille, c'est la même chose. Mais le cheikh il dit ça par contre, yani c'est pas nécessaire, yani fihi nazar ça veut dire yani c'est quelque chose à revoir, hein, parce qu'en voulant dire c'est pas nécessairement vrai. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal dans le verset il n'a pas mentionné les femmes qui sont laides, il n'a mentionné que les femmes qui sont vieilles. Et il dit si des femmes ne sont pas vieilles et que elles sont peut-être pas belles ou pas de belle apparence ou pas attirantes, n'empêche qu'il y a quelqu'un quand même qui peut être attiré par elles quand même, hein, et qui peuvent par exemple désirer ces femmes-là et vouloir les épouser. Et il cite la parole d'un poète qui dit, yani, que toute femme, yani, même si elle est pas belle, il y a quelqu'un qui dans le quartier ou bien dans la ville va vouloir se marier avec elle. Hein, parce que, yani, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui trouve son parti ou son marché, comme on dit. Donc, peut-être même aussi que le shaitan peut l'embellir à la personne, même si elle n'est pas nécessairement belle. Et yani, la personne peut quand même être tentée par elle, surtout si elle est une jeune femme, et ainsi de suite. Donc ça c'est une explication. Puis aussi il y a le point que lorsque la personne par exemple elle se voile, la femme, eh bien se voile pour Allah, hein, se voile pour Allah. Et la question n'est pas à savoir est-ce qu'elle est belle ou elle est laide, mais plutôt à savoir yani, si elle obéit à Allah ou non, hein. Donc qu'elle soit moins belle que d'autres, ça c'est pas une raison pour qu'elle ne se voile pas comme il faut. Et si les femmes âgées sont incitées et encouragées à continuer à le faire, alors la femme qui est jeune, même si elle est laide, elle doit continuer à se voiler elle aussi et à se couvrir correctement elle aussi, d'accord. Donc ça c'est un point important. Après la suite du vers des vers de ce chapitre, Cheikh Al-Mardawi il dit wa kullun lahu min jinsihi nazarun ila siwa al-awrati al-fahsha dhat at-tazayyud. Donc ici il parle du regard des gens entre eux, c'est-à-dire entre les gens c'est-à-dire le regard d'un homme quand il regarde un autre homme et il regarde une femme, quand il regarde une autre femme, c'est quoi la limite de qu'est-ce qui est permis dans ça? Il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, لِلْرَجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ وَأَمَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَلَا يَجُوزُ لِلْرَجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ الْآخَرِ وما عدا ذلك فللرجل الآخر أن ينظر إليه لعدم الفتنة والمرأة لا تنظر من المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه لأن الله ذكرها مع المحارم من الرجال فقال أو نسائهن والمحارم من النساء والمحارم من الرجال لا يجوز أن ينظروا إلا إلى الوجه والكفين والرأس فقط وكذلك المرأة فالذين يقولون إن عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، فقد بين ما بين السرة والركبة فقد، فغالطون في هذا القول لأنه قول مخالف للدليل. Donc le cheikh il dit que pour ce qui est du regard d'un homme quand il regarde un autre homme, il dit il peut voir ce qui est au-dessus du nombril et en bas des genoux. Hein? Donc ce qui est entre le nombril et les genoux, il ne peut pas regarder d'un autre homme. D'accord? Il n'est pas permis à un homme de regarder un autre homme de la partie de son nombril jusqu'à ses genoux, mais il peut voir en haut du nombril et en bas des genoux. D'accord? Il dit parce que de regarder cette partie, comme par exemple du nombril jusqu'à sa tête et de ses genoux jusqu'à ses pieds, il n'y a pas de fitna dans ça. Et c'est ce qui est normal. Hein? Ça veut pas dire que tu vas marcher torse nu dans la rue. Hein? Ou bien que tu vas marcher torse nu dans la rue, tu vas dire, ah ben c'est permis que je montre ça, parce que je suis un homme. Non, ça c'est juste pour dire, c'est la limite. Hein? Donc selon le contexte ou dans la situation, où par exemple tu vas être avec des hommes, puis il y a un besoin de par exemple montrer cette partie, hein, en haut de ton nombril jusqu'à ta tête. Si par exemple, je sais pas, vous allez à la piscine ou bien vous allez quelque chose comme ça, vous baignez ou bien vous faites un sport ou quelque chose comme ça, oui, dans ce contexte-là, c'est ça va, mais ça veut pas dire que c'est permis de marcher torse nu dans la rue, hein, ou bien d'aller à la mosquée comme ça. Ensuite, il dit, en ce qui concerne la femme, il dit, les femmes entre elles. Hein? Les femmes entre elles, il dit, elles peuvent voir ce qui est habituellement découvert, hein, quand elles se voient l'une l'autre. Et il dit, parce que Allah Azza wa Jalla les a mentionnées parmi les maharim, hein, parmi les hommes maharim. C'est-à-dire que les femmes étrangères, les femmes, des femmes, par exemple, qui ne sont pas dans la famille de la femme, ok. Et puis elle a été mentionnée dans le verset dans Surat An-Nur comme parmi les hommes qui sont des maharim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes qui n'ont pas le droit de l'épouser parce qu'elles sont dans sa famille. Et il dit les hommes de sa famille qui sont des maharim, qu'elle n'a pas le droit d'épouser, ils ne peuvent voir d'elle que son visage, ses mains et sa tête. C'est-à-dire que la femme devant son père, devant son frère, elle va pas aller montrer son corps complètement. Ils peuvent voir par exemple ses cheveux, son visage, ses mains. Il y a pas de problème. Elle est pas obligée de se voiler devant eux. Mais devant la femme étrangère, c'est la même chose aussi. Parce que il y a des fuqaha, parmi les fuqaha, qui ont dit que la femme musulmane devant une autre femme, elle a le droit de montrer ce que l'homme a le droit de montrer à un autre homme, c'est-à-dire entre le nombril et ce qui est en haut du nombril et en bas des genoux. Et le cheikh il dit ça c'est une erreur, c'est pas correct, parce que ça, c'est pas permis à une femme de montrer cette partie à une autre femme, hein, comme sa poitrine et des choses comme ça. Et souvent, il y a des fuqaha qui disent ça, que c'est permis à cause du fait que parfois les femmes, étant donné qu'elles allaitent, hein, elles vont parfois se découvrir la poitrine devant d'autres femmes quand elles sont entre elles pour allaiter leur bébé. Et étant donné qu'elles sont entre femmes, elles considèrent probablement que ça va ou que c'est pas grave. N'empêche que le cheikh, lui ici, il considère que ça fait partie de la aura et que la femme, elle ne doit pas montrer ça à une autre femme non plus. Plutôt, elle doit couvrir hein, ça. Et que la aura d'une femme devant une autre femme, c'est la même que la aura pour les proches mâles de la famille, les maharim. D'accord ? Comme le père, les oncles, les frères, et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas voir tout le corps de la femme. C'est seulement son mari qui a le droit de la voir tout au complet. Hein? Ensuite, il dit « وَكَذَلِكَ فِي ذِمِّيَّةٍ مَعَ حُرَّةٍ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ أُنْقُلْهُمَا نَقْلَ قْصُدِي » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, المرأة ولو كانت كافرة تنظر إلى المرأة المسلمة إلى وجهها وكفيها لا مانع. والقول الثاني أن الكافر مثل الرجل الأجنبي لا تنظر إلى المرأة من المرأة المسلمة شيئا من جسمها لأن الله قال أو نسائهن. فيفهم منه أن الكافر لا تنظر إلى المسلمات لأنها ليست من نسائهن. ولكن الجمهور على القول الأول أن قوله أو نسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن لا النساء اللاتي على دينهن فقط. Donc ici ce verset, le cheikh il explique quelque chose par rapport à la femme qui est pas musulmane. Est-ce qu'elle a le droit de la femme musulmane, est-ce que la femme musulmane a le droit de se découvrir devant une femme qui n'est pas musulmane? Et le cheikh explique que la femme musulmane, même si c'est, elle est devant une femme qui n'est pas musulmane, qui est kafira, elle peut donc se découvrir devant elle, hein, c'est-à-dire montrer son visage et ses mains. Il n'y a pas de mal. Mais il y a une autre opinion chez certains parmi les fuqaha qui disent que la femme mécréante, elle est comme un homme étranger pour la femme musulmane, c'est-à-dire que elle n'a pas le droit de voir aucune partie du corps de la femme. Et ils disent la raison de ça, c'est parce que quand Allah Azza wa Jalla il mentionne dans le verset 31 dans sourate An-Nur aw nisa'ihinna, c'est-à-dire ou bien leur les femmes, leur c'est-à-dire nisa'ihinna, c'est-à-dire les femmes parmi elles. Hein? Donc il dit eux ils ont compris de ça que ça veut dire que c'est seulement les femmes musulmanes qui ont le droit de voir les femmes musulmanes sans leur voile, et que les femmes mécréantes ne font pas partie d'elles. Mais la position de la majorité des ulama, c'est la première position, que quand il dit Nisa ihinna, c'est-à-dire les femmes qui font partie de c'est-à-dire celles qui font partie des femmes, c'est-à-dire les femmes en général, et non pas celles qui sont sur la même religion, c'est-à-dire celles qui sont sur l'islam en particulier. Donc c'est pas spécifique aux femmes musulmanes. Les femmes en général ont le droit de se dévoiler devant les autres femmes, même si ces femmes-là sont pas musulmanes, c'est permis pour elles de se dévoiler. Les musulmanes peuvent se dévoiler devant elles. Ensuite, le cheikh il dit wahal. الشيخ المرداوي يقول وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد. Donc c'est ça, on a expliqué déjà par rapport à la question des femmes lorsqu'elles se voient entre elles. Et il dit ensuite, lorsque il dit al-khatib idha khataba imra'atan jaza lahu an yanzura ila ma yuraghibuhu fiha aw yamna'uhu min az-zawaj biha li'an la yadkhula 'alayha wa huwa 'ala jahlin biha wa huwa na'am لأن لا يدخل عليها وهو على جهل بها فيحصل بينهما سوء تفاهم والشاعر أباح له أن ينظر إليها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للخاطب انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن يحصل الوفاق بينكما. والعلماء ذكروا أنه ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه مما يرغبه فيها، وهذا يحصل بالنظر إلى وجهها، فإن الوجه هو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها. وبعضهم قال ينظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه يدل على جمال المرأة ودمامتها، والكفان يدلان على خصوبة البدن أو عدم خصوبته. وهل ينظر إليها بدون أن تعلم أو ينظر إليها مع علمها ويجتمع معها بحضرة وليها على قولين. Okay. Donc ici le cheikh il explique que la personne qui veut épouser une femme, quand il va pour la demander en mariage, c'est permis pour lui de regarder de cette femme ce qui va l'inciter à l'épouser ou à vouloir l'épouser, ou bien qui va le faire changer d'idée finalement. Donc s'il constate que elle n'est pas à son goût, donc il va la voir, il va savoir si elle lui plaît ou non. Donc pour éviter que justement il vienne la demander en mariage puis que finalement elle lui plaît pas, donc après ça risque de créer de l'embêtement inutile. Donc Allah Azza wa Jal, il permet donc à l'homme de regarder la femme qu'il a envie d'épouser pour voir en elle ce qui peut l'attirer ou lui donner envie de l'épouser. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi au sujet de l'homme qui voulait aller demander en mariage une femme, il lui a dit regarde-la, parce que c'est mieux pour que les choses durent entre vous, la bonne relation dure entre vous. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est encouragé de regarder la femme avant de la demander en mariage. Et c'est ce qui fait que il va y avoir plus une meilleure entente entre les époux. Et les ulama ont mentionné que l'homme regarde de la femme qu'il veut épouser ce qui va l'inciter à vouloir l'épouser. Et il dit c'est ainsi que l'homme regarde par exemple s'il peut voir son visage, et aller, parce que le visage c'est ce qui indique la beauté de la femme. Et il dit ça indique aussi si elle est moins belle, donc il va savoir par son visage si elle est jolie ou non. Et d'autres parmi les ulama ont dit qu'ils peuvent aussi regarder les mains de la femme. Et en regardant le visage, ils voient la beauté. Et en regardant les mains, ils voient la constitution de son corps. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'elle est... Et ainsi de suite. Et les ulama ont dit, est-ce qu'ils regardent la femme alors qu'elle est au courant, ou bien ils la regardent sans qu'elle sache, en présence de son wali? Et le cheikh dit il y a deux positions là-dessus. Donc on va lire ça. Le cheikh dit فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهَا بِأَنْ يَتَخَبَّأْ لَهَا لِأَنَّ جَابِرًا يَقُولْ تَخَبَّأْتُ لَهَا فَهُوَ يَتَخَبَّأْ فِي مَكَانٍ لَا تَعْلَمْ عَنْهُ فَيَنْظُرْ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا لَوْ عَلِمَتْ فربما تمتنع أو ربما تتصنع بشيء غير صحيح يغر الرجل. وكونه ينظر إليها على هيئتها وطبيعتها من غير تكلف يكون أحسن لقوله تخبأت لها. وفي الحديث إن استطعت أن تنظر إليها. وبعض العلماء يقول يكون هذا عن اتفاق بينه وبين وليها وبينها هي، فينظر إليها من غير خلوة، يكون عندها أو يكون عندهما وليها وينظر إلى وجهها وكفيها، فالحاصل أنه ينظر ما دعت الحاجة إليه مما يدل على جمالها أو عدم جمالها. وهذه رخصة مستثناة من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي هي من غير محارمه، وهذا من أدلة الحجاب. فلو كانت المرأة سافرة وتخرج إلى الشوارع وهي سافرة، وتجلس مع الناس وهي سافرة، يعني ما احتاج إلى أن ينظر إليها، فدل على أنها يعني كانت محجبة ولا يرى وجهها ولا يرى كفاها ولا يرى شعرها، وهذا هو الأصل. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخطبة أن ينظر إلى هذه الأشياء وأن تكشفها له، فهذا من أدلة وجوب الحجاب، وأنه لا يرخص النظر إلى المرأة من قبل الرجل إلا للخطيب إذا خطبها وأجيب إليها. Donc ici le cheikh il explique qu'il y a deux positions par rapport à la question du regard de la femme lorsqu'on va pour la marier ou on veut se marier avec elle. Parmi les ulama, il y en a qui ont dit que il faut la regarder quand elle n'est pas consciente ou elle n'est pas au courant que tu la regardes. Donc tu te caches pour l'observer, hein. Et c'est ce qui a été mentionné de la part de Jabir radiallahu anhu. Il dit, je me suis caché pour la voir. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait pour aller la voir dans un endroit que elle savait pas, puis il la regardait, et il dit peut-être que si elle aurait su, elle n'aurait pas accepté qu'il la regarde, ou elle se serait préparée d'une certaine façon pour s'enjoliver et ainsi de suite. Et peut-être que la femme, donc quand elle se prépare comme ça, eh bien ça peut tromper l'homme à penser par exemple qu'elle est d'une certaine apparence alors que c'est pas le cas. Donc si il la voit dans son apparence naturelle, sans artifice, sans parure, eh bien c'est quelque chose qui est préférable. Comme ça il a une idée exactement de qu'est-ce qu'est l'apparence de cette femme réelle. Et quand il dit takhabba'tu laha, yani je me suis caché pour la voir, Cheikh il mentionne cette partie dans le hadith. Puis il dit, il y a aussi un autre hadith qui est rapporté par Muslim qui mentionne, il dit in istata'ta an tanzura ilayha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu es capable de la regarder, ça veut dire que yani tu essaies de faire en sorte de te cacher pour être capable de voir ce qui t'attire chez elle, pour voir si tu vas avoir envie de l'épouser. Il dit, certains ulama ont mentionné autre chose. Ils ont dit que il faut que ce soit avec l'accord entre la personne et son wali. C'est-à-dire que c'est son wali qui va organiser ça avec lui pour qu'il puisse la voir sans qu'elle le sache. Hein? Et il y en a même qui ont dit aussi, dans le sens que c'est entre le wali, la femme et le prétendant, les trois. C'est-à-dire qu'il va la regarder sans que ce soit de façon isolée. Hein, ils ne seront pas seuls tous les deux. Il va voir son visage et ses mains, et il va regarder d'elle ce qui l'attire pour vouloir la demander en mariage, pour pouvoir la marier. Et ça, c'est ce qui va indiquer pour lui si elle est jolie ou non. Et c'est une permission spéciale pour celui qui désire épouser une femme. Parce que la règle générale, c'est que l'homme n'a pas le droit de regarder une femme étrangère. Parce que lorsque quelqu'un ne fait pas partie des maharim, il n'a pas le droit de la voir. Et ça fait partie même des preuves de l'obligation du hijab. Et si la femme ne portait pas le hijab et ne se couvrait pas le visage, et qu'elle marchait dans la rue, comme c'est le cas dans plusieurs pays musulmans d'ailleurs, qu'elle marche dans la rue, même si elles sont voilées, mais elles ne se couvrent pas le visage. Donc tout le monde sait de toute façon quelle est la jolie, quelle n'est pas la jolie, parce que tout le monde voit tout le monde. Même que beaucoup de filles, elles ne se voilent même pas du tout. Hein? Donc non seulement tu vois son visage et ses mains, mais tu as vu beaucoup d'autres choses aussi. Donc dans ce sens-là, ça peut être une preuve qui montre que ces femmes-là, elles ne respectent pas les règles de l'islam d'une certaine façon, parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est permis pour le prétendant de regarder la femme, ça veut dire que s'il n'a pas l'intention de l'épouser, il n'a pas le droit de la regarder, hein, et qu'elle doit se voiler, hein. Et c'est la preuve que les femmes, elles se voilaient à l'époque et qu'on ne pouvait pas la voir excepté si, hein, quelqu'un souhaitait demander une fille en mariage. Donc il ne voyait pas son visage, il ne voyait pas ses mains, il ne voyait pas ses cheveux, il ne voyait rien. Et la permission est spécifique à celui qui veut demander la main d'une fille. Et à ce moment-là, c'est permis pour lui de regarder. Et ça fait partie des preuves de l'obligation du hijab, et que ce n'est pas permis pour une femme pour un homme de regarder une femme, excepté s'il est un prétendant et qu'il désire se marier et demander une fille en mariage, hein, à ce moment-là, oui. Et il dit wa anhu ila wajhin wa anhu wa kaffiha ka mahrimiha min ghayri khalwatin ib'adi. Donc il dit, le cheikh, que ce que le prétendant a le droit de voir, hein, c'est son visage et ses mains. Comme le mahram de la fille, son père, son frère, il ne peut voir autre chose que son visage et ses mains. Hein? Et le cheikh, il explique, il dit, « An l'imam Ahmad, annahu yanzur ila wajhiha wa kaffiha » ورواية ثانية أنه ينظر إلى وجهها فقط وروايتان عن الإمام أحمد ولا بد أن يكون ذلك من غير خلوة بها بل يكون بحضور وليها ومن تزول به الخلوة لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان فهؤلاء الذين يبحثون للخطيب يعني أنه يسافر بمخطوبته ويخلو بها ويقولون هذه مخطوبته، يعني هؤلاء خالفوا الشرع واستباحوا ما حرم الله لأنها أجنبية، كيف يسافر بها وكيف يخلو بها وكيف ترافقه، وهذا في الحقيقة سبب للفساد وسبب لوقوع الفواحش، فيمكن أنه يعبث بها ويتخلى عنها وينكر بها، وهذا حرام لأنه لا يكون زوجة له بمجرد الخطبة بل هي أجنبية. Ça c'est un point très important. Qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Donc il dit premièrement que l'imam Ahmed, sa position c'est que il peut voir, le prétendant peut voir son visage et ses mains. Et dans une autre narration, il dit seulement c'est son visage. Ça, c'est deux narrations qui ont été rapportées de l'imam Ahmad. Et il dit, il ne faut pas qu'il y ait d'isolement avec la femme, dans le sens qu'il reste seul avec elle. Il doit plutôt être en présence de la fille avec son wali pour éliminer toute ambiguïté et tout doute. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'un homme est tout seul avec une femme, c'est le troisième qui est, le shaitan qui est le troisième d'entre eux. Donc il dit ceux qui cherchent, hein, par exemple, qu'est-ce qu'ils appellent en fait, certaines personnes ou certains musulmans, ils appellent les fiançailles. Il n'y a pas de fiançailles en islam d'une certaine façon, dans le sens que les kuffars, eux, vous savez que les chrétiens et les juifs et autres, avant de se marier, ils vont se fiancer. Et quand ils font les fiançailles peuvent durer plusieurs années même parfois. Et pendant cette période de fiançailles, ils agissent comme s'ils sont mariés. Hein? Ça, c'est le kuffar. Donc, il y a certains musulmans, ils pensent que c'est comme ça aussi. Et on entend ça des fois. C'est ma fiancée. Hein? C'est mon fiancé. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Hein? Donc, le cheikh, il dit, c'est pas permis pour un homme et une femme, même si cet homme-là, il est le khatib, il a demandé la fille en mariage, et il s'est présenté et qu'on l'a accepté. Eh bien, malgré ça, il n'a pas le droit de rester seul, isolé avec elle, tant qu'ils ne sont pas mariés. D'accord? Et il n'a pas le droit non plus de voyager avec elle. Il n'a pas le droit non plus de rester seul avec elle. Hein? Parce que, il dit, ceux qui font ça, ils ont contredit la législation d'Allah, et ils ont rendu halal ce qui est haram. Parce qu'en réalité, cette femme est une étrangère pour lui. Et donc, comment pourrait-il s'isoler avec elle et rester seule en sa présence, et comment pourrait-elle l'accompagner dans un voyage ou des choses comme ça? Il dit, en réalité, ça amène beaucoup de désordre. Et c'est ce qui permet beaucoup de turpitude de se produire. Et c'est pour ça que des fois, on entend des histoires vraiment graves. Hein? Des filles qui sont pas mariées, qui tombent enceintes avec leur soi-disant fiancé, et quand elles arrivent pour se marier, elles sont déjà enceintes. Hein? Et là, ça crée beaucoup de problèmes. Hein? Et donc, si le garçon, il dit, hein? Si le garçon, il dit, je me marie plus avec elle, je la veux plus. Là, qu'est-ce qui arrive? Ils sont pas mariés. Hein? Et elle est enceinte déjà, et lui il part. Là, elle reste, elle enceinte comme ça. Ça veut dire, yani, c'est la honte. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran que la femme, le fornicateur n'épouse pas excepté une fornicatrice, et que la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de se marier si elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle ait accouché et qu'ils se soient repentis. Hein? Ils n'ont pas le droit de se marier jusqu'à ce qu'elle soit qu'elle ait accouché et qu'ils se soient repentis. Et l'enfant ne sera pas considéré comme son enfant. C'est un enfant illégitime. Même s'il se remarie par la suite, cet enfant-là sera pas reconnu comme étant son enfant légalement en islam. Naam. Donc, ces gens-là, ils font n'importe quoi en réalité. Et ils ne pensent pas aux conséquences. Et ils ne pensent pas à la réalité des choses. Donc, c'est très grave qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire. Hein? Et que dire de ceux qui fréquentent des garçons ou des filles parmi les musulmans et les musulmanes? Des musulmans qui fréquentent des garçons et des musulmans qui fréquentent des filles musulmanes et qui pensent que ça c'est halal. Hein? Ils disent c'est ma copine, c'est mon copain. Hein? Ils se fréquentent avant le mariage. Et le pire c'est qu'il y a certains parents musulmans qui tolèrent ça. Hein? Et qui pensent que c'est correct. Non mais c'est son père biologique, mais ça sera pas son père légalement dans l'islam, c'est-à-dire elle va pas hériter de lui. Oui, elle va être son mahram, oui, il n'y a pas de problème. Parce que biologiquement, oui, c'est son père. Walaykoum salam. Mais par contre, légalement, non. Légalement, non, il ne va pas porter son nom. Et donc c'est ça. Il ne va pas hériter. Cet enfant va pas faire partie des héritiers et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. On est à une époque où les gens ne donnent plus d'importance à rien du tout. Hein? Et ils prennent tout à la légère. Et ils pensent que tout est licite, tout est permis. Donc, après, quand des problèmes comme ça arrivent, les gens, ils jugent selon leurs coutumes ou selon qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que les gens disent. Et ils font que créer plus de problèmes encore. Hein? Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et ensuite, le cheikh il dit وَيَنْظُرُ مُسْتَامٌ إِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ يَرَى غَالِبًا وَالرَّأْسَ مَعَ سَاقٍ نَهَّدِ كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك وجهدي. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan il va expliquer, il dit ينظر الذي يصوم الأمة أو يسوي الذي يسوم الأمة إذا عرضت للبيع أو يسوم الأمة عفوا ينظر الذي يصوم الأمة إذا عرضت للبيع يباح له أن ينظر إلى وجهها وأن ينظر إلى رأسها وساقيها إذا كان له رهبة في شرائها وكذلك في قول بعض العلماء أن الرجل المحرم ينظر من محارمه من النساء إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق كما ينظر إلى ذلك من الأمة أما القول المشهور فلا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها وقدميها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ولا ينظر إلى الساق والذراع لأن هذا لم تجري العادة به وفيه فتنة حتى مع المحارم. Donc ici le cheikh il explique que il parle premièrement de l'esclave. Il dit que c'est permis lorsqu'une esclave est en vente ou est à vendre, c'est permis de voir son visage et sa tête et ses jambes. Yani, qu'est-ce qui peut l'inciter à vouloir l'épouser, à vouloir l'acheter? Ça, c'est dans le cas de l'esclave. Il dit ensuite à propos de la parole de certains parmi les ulama pour les femmes qui font partie de ta famille. Donc, c'est-à-dire les hommes qui sont des maharim. Il dit la position de certains fuqaha vis-à-vis des maharim, c'est qu'ils peuvent voir ce qui est apparent en général de la femme, comme son visage, ses mains, sa tête, ses jambes, et il peut voir d'elle ce qu'il peut voir de l'esclave. Et il dit que ça c'est une position qui est présente chez certains fuqaha, parmi les ulama. Il dit mais la position la plus connue, c'est qu'il ne peut voir que son visage et ses mains et ses pieds, hein, et ce qui est habituellement découvert dans lequel il n'y a pas de fitna. Donc il va pas regarder ses jambes ou ses bras, hein, ou ce qui n'est pas dans la tradition ou l'habitude de que la femme découvre devant ses proches. Il dit c'est-à-dire qu'elle va pas montrer des parties de son corps qui peuvent créer de la fitna, même pour une femme qui est dans ses proches ou parmi ses maharim. Et c'est ce que je disais la dernière fois par rapport à la façon dont certaines femmes s'habillent, hein, quand elles sont en présence de leurs proches dans la maison. Parfois, certaines filles vont porter des tenues qui ne sont pas appropriées, comme des vêtements qui sont vraiment trop, qui dévoilent trop les formes ou qui montrent les différentes parties du corps. Une fille doit pas s'habiller comme ça devant son père, devant ses frères, devant ses oncles, hein, devant son grand-père. Il y a une façon que la fille doit se voiler, doit s'habiller, pardon, devant ses proches, qui est respectueuse. Il faut pas qu'elle s'habille d'une manière qui montre ses formes ou son corps d'une manière exhibée ou des choses comme ça. Parce que la mode actuelle, elle est vraiment dégradée à cause de ça. Elle est vraiment Hein? Les filles, maintenant, elles s'habillent n'importe comment et elles portent des vêtements. C'est comme si on dirait, même si elles sont couvertes, on dirait qu'elles sont nues parce que leurs vêtements laissent paraître toute leur forme à l'extérieur. Donc, ça, c'est inacceptable dans l'islam. Et même si la femme, elle n'est pas obligée de se voiler devant ses proches ou devant ses maharim, mais elle doit tout de même s'habiller de manière respectueuse. D'accord? Et on a souvent eu ces discussions-là avec la famille, avec des, hein, à l'intérieur de la famille, on discute parfois par rapport aux vêtements de nos filles et des choses comme ça. Et souvent, le sujet est revenu, hein. On a constaté que parfois, si on veut habiller nos filles correctement, que dans les magasins, les vêtements qui sont disponibles et qui sont le plus courants sont des vêtements qui ne respectent pas nécessairement les principes de l'islam. Même pour les vêtements que la femme porte chez elle à la maison, c'est parfois très difficile de trouver pour les jeunes filles des robes longues, hein, et des tenues longues pour les jeunes filles. Tout ce que tu trouves, c'est, yani, des affaires qui sont collantes, qui sont moulantes ou des choses comme ça. Ou des jupes qui sont trop courtes, et ainsi de suite. Donc, ça c'est peut-être un incitatif pour les sœurs, les femmes. Les sœurs qui savent faire de la couture, hein, de commencer peut-être à se lancer dans ce domaine, hein, parce qu'il y a un marché pour les femmes et les filles qui veulent s'habiller de façon honorable et respectueuse. Il y a un marché pour les sœurs si elles sont capables de faire des beaux vêtements pour les jeunes filles, il y aura beaucoup de demandes pour ça, parce que c'est quelque chose qui est absent, qu'on ne retrouve pas, hein, facilement. Donc, ça, c'est une chose. Et puis aussi, les femmes, avant, les femmes savaient coudre, hein, et aujourd'hui, c'est plus le cas nécessairement. Donc, je veux dire, il faut faire quelque chose dans ce sens. Donc, si des gens, par exemple, des frères, ils ont envie de se lancer en affaires et de faire de l'argent, il y a un marché là-dedans. Hein? Vous achetez du matériel en Chine ou je sais pas où, et il y a des manufactures là en Chine là-bas. Ils chargent pas cher. Ou en Inde ou au Bangladesh, vous faites vos patrons, hein? Et puis vous envoyez ça là-bas et puis vous en faites pour une quantité de, je sais pas, selon l'argent que vous avez. Si vous avez 10 000 dollars, vous faites, après vous investissez ça, après, et puis vous les vendez, ça va se vendre comme des pains chauds. Hein? Et en plus, vous allez aider les gens, hein, à s'habiller bien. Et combien de fois les gens me disent, est-ce qu'on a le droit de vendre des vêtements comme ci? Est-ce qu'on a le droit de vendre des vêtements pour femmes qui sont comme ça et tout? Et les gens sont embarrassés parce que beaucoup de choses qu'ils vendent respectent pas les règles de l'islam. Eh bien, dans ce cas-là, avec ce projet-là, ce serait quelque chose de bénéfique que les gens pourraient faire. Pensez à ça. Hein? À bon entendeur, comme on dit. Je pense que il y a des gens qui cherchent toujours des opportunités pour faire de l'argent. Bon, je pense que là, ça s'en est une. Et en plus, la personne, elle n'a pas de mauvaise conscience de savoir est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est bon ou pas bon. Regardez comment ici au Canada, peut-être dans d'autres pays, c'est pas pareil, mais regardez les petites filles juives, hein. Hein, comment elles s'habillent? Eh ben, elles portent des longues jupes et hein. Bon, la femme musulmane, elle s'habille bien mieux que les femmes juives, parce qu'elle est beaucoup plus pudique, la femme musulmane, que la femme juive, parce que les femmes juives, elles se voilent pas et elles portent des robes, même si elles portent des robes longues, mais parfois leurs jupes, elles sont des fois un peu trop serré, tu vois. Donc, c'est pour dire que la femme musulmane, elle n'a pas à prendre la femme juive comme exemple, mais je donne ça juste comme un moyen de comparaison pour réfléchir sur le sujet. Hein. Eux, ils achètent où leurs vêtements? Ils ont leur magasin, ils ont leur commerce et leur communauté, ils font leurs vêtements, puis ils se vendent ça entre eux. Les musulmans, leur commerce, ils sont pas très forts sur l'entraide commerciale entre eux. Illa man rahim Allah, hein? Parce que beaucoup de musulmans, ils ne croient pas en leur potentiel et en leur capacité à travailler ensemble. Ils ne croient pas en eux-mêmes, ils croient que aux autres. Hein? Ils croient que en les koufars. Beaucoup de musulmans, ils croient que c'est seulement ce que les koufars font qui marche. Et si les musulmans font quelque chose, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la confiance en Allah Azza wa Jal. Et ils n'ont pas confiance que Allah Azza wa Jal peut leur donner la délivrance et la victoire. Donc on va s'arrêter ici, nous, pour aujourd'hui, à ce point-là. On va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Et puis, en tout cas, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, t'as une question? Moi, je parle pas là. Moi, écoute, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La femme musulmane, elle a un habit à l'intérieur, dans sa maison, devant sa famille, devant ses proches, quand elle se voile pas. Ça s'appelle les vêtements d'intérieur. D'accord? Ces vêtements d'intérieur, ils doivent être quand même pudiques. Même si c'est pas de se voiler, mais ça doit être quand même pudique. Et elle a les vêtements d'extérieur. Les vêtements d'extérieur, c'est quoi? C'est les vêtements quand elle sort dehors, quand elle va être en présence d'hommes qui sont étrangers à elle, qui ne font pas partie de ses maharim. Quand elle est en présence des hommes étrangers, là, elle doit porter le djilbab. Elle doit se couvrir de la tête aux pieds avec un vêtement qui est long et ample et qui couvre son visage et ses mains. Ça, c'est les règles. Donc, moi, quand je parle des robes, là, quand j'ai dit aux frères, ce serait bien de faire ça pour les filles, je parle des vêtements d'intérieur. Pour les filles, quand elles sont dans leur maison avec leur famille et leurs proches. Et pour les djilbab, ça, il y en a déjà beaucoup. N'importe qui cherche des djilbab pour les femmes, il y en a dans les... Hein, tu cherches ça sur Internet, il y a plein de magasins qui vendent ça. Donc ça, c'est une chose qui est déjà présente. Mais les vêtements d'intérieur qui sont respectueux des règles de la pudeur, hein, et des principes islamiques et de la coutume, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas facile à trouver. Du moins dans les grands magasins. Quand tu vas aller magasiner dans les grands magasins pour chercher des vêtements pour tes enfants, c'est difficile à trouver des choses qui sont correctes. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? طيب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته